Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 7. Notre phrase clé aujourd'hui est... Littéralement, est-ce qu'il y a des choux à la crème? Avez-vous des choux à la crème? Le personnage principal de notre sketch est Anna, une étudiante internationale originaire de la Thaïlande. Aujourd'hui, Anna se trouve dans une pâtisserie en compagnie de Sakura. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 7. La phrase clé du jour est... Est-ce qu'il y a des choux à la crème? Avez-vous des choux à la crème? ケーキがいっぱいありますね。すみません。シュークリームはありますか？はい、こちらです。シュークリームを2つください。Nous allons maintenant vous expliquer ce sketch. Lorsqu'elle est entrée dans la pâtisserie, Anna a dit ケーキがいっぱいありますね。Il y a beaucoup de gâteaux. ケーキ signifie gâteau. C'est un mot emprunté à l'anglais, plus précisément le mot « cake ». « Na » est une particule qui vient après un substantif et qui indique le sujet de la phrase. Ici, elle indique que « gâteau » est le sujet. « Ippai » signifie « beaucoup ».« Arimasu » il y a est une forme verbale qui indique que des choses sont là. « Ne » est une particule que nous utilisons lorsque nous souhaitons exprimer une émotion modérée. « Ippai » n'est pas facile à prononcer. Dans « ippai », on retrouve un son étouffé. Quand vous le prononcez, vous devez suspendre votre souffle pendant un temps. À l'écrit, on utilise « tsu » pour épeler un son étouffé. Exerçons-nous à le prononcer. « Ippai ». Ensuite, Sakura demande à un vendeur « Sumimasen, shukurimu wa arimasu ka ?»« Je vous demande pardon, est-ce qu'il y a des choux à la crème? Avez-vous des choux à la crème ?»« Sumimasen ». シュークリームはありますか? Je vous demande pardon. Est-ce qu'il y a des choux à la crème? Avez-vous des choux à la crème? すみません signifie « je vous demande pardon ». On l'utilise pour faire venir quelqu'un. Lorsque vous avez perdu votre chemin, vous pouvez dire « すみません » à un passant et lui demander votre chemin. Mais on peut aussi utiliser « すみません » lorsqu'on souhaite dire « je suis désolé ». C'est juste. シュークリーム est une sorte de pâtisserie occidentale en forme de petite boule faite avec de la pâte à choux fourrée à la crème. Le mot vient du français « chou à la crème ». En japonais, on l'appelle « shukurim ». En anglais, « chou » signifie « chaussure », mais cela dit, « shukurim », ce n'est pas de la crème pour les chaussures. Il ne faut pas le confondre avec du cirage à chaussures. Retournons à notre sketch. « Wa » après « shukurim » est la particule indiquant le sujet ou le marqueur du sujet. « Arimasu ka ?» est composé de « alimas », il y a, et de « ka », une particule qui donne une forme interrogative à la phrase. Vous la prononcez en haussant l'intonation. Le vendeur répond « Hai, kochira desu ». Oui, par ici. « Hai » signifie « oui ».« Kochira » ainsi que nous l'avons appris, est une façon polie d'indiquer la direction vers celui qui parle. « Desu » est un mot de politesse que l'on place à la fin de la phrase. Sakura passe une commande. Deux choux à la crème, s'il vous plaît, ou je voudrais avoir deux choux à la crème. Shukurim signifie choux à la crème. O indique l'objet d'une action. Ftatsu signifie deux éléments. Il se compose du mot qui exprime le chiffre 2 et de tsu, un numérateur pour les objets, des gâteaux par exemple. Kudasai signifie s'il vous plaît ou j'aimerais avoir. Dans la leçon précédente, nous avons appris que le chiffre 2 se dit « ni ». Pourquoi devons-nous dire « futatsu » dans ce cas-là? Lorsqu'ils sont suivis de « tsu », les chiffres de 1 à 10 se prononcent différemment. C'est le vestige d'une ancienne manière de compter en japonais. Dans le passé, 1, 2, 3 se disait « hi, fu, mi ». Par conséquent, l'ancienne façon subsiste pour compter les choses et dire l'âge ou la date. On compte les choses de 1 à 10 de la façon suivante. 1. 1つ 2 2つ 3 3つ 4 4つ つ 5 つ6つ 7 つ 8 つ 9 9つ 10 と 7 c'est facile, ça ne change pas. C'est nana pour 7 et nanatsu avec tsu. À cette exception près, la prononciation des nombres de 1 à 10 change complètement si ces nombres sont suivis de tsu. 10 est un cas unique. Il ne prend pas de tsu et se prononce comme to. Prononçons-les selon le modèle suivant. 1つ, 2つ, 3つ, 4つ, 5つ, 6つ, 7つ, 8つ. Écoutons à nouveau le sketch de la leçon 7. La phrase clé aujourd'hui est... Est-ce qu'il y a des choux à la crème? Avez-vous des choux à la crème? いらっしゃいませ。ケーキがいっぱいありますね。すみません。シュークリームはありますか？はい、こちらです。シュークリームを2つください。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée Enseignez-nous, professeur. La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Adrien, comment utilise-t-on le verbe arimas? Eh bien, interrogeons notre professeur. 私が教えましょう。 あります。 Il y a appartient à ce que l'on appelle les verbes d'état, les verbes qui expriment l'état des gens et des choses. Avec « arimas », on utilise la particule « ga » qui indique le sujet. Essentiellement, on utilise « ga » lorsqu'on présente quelqu'un ou une chose pour la première fois durant notre conversation. C'est pourquoi Anna, en entrant dans la pâtisserie, a dit « Keiki ga ippai arimasne. » Oh, il y a beaucoup de gâteaux. Ici, « gâteau » est le sujet et elle en parlait pour la première fois. Puis Sakura dit シュークリームはありますか? En utilisant le marqueur de sujet wa. Ici, Sakura est dans une pâtisserie et elle voit plusieurs sortes de gâteaux. Donc elle désire savoir si parmi tous ces gâteaux il y a des choux à la crème. Ainsi, elle utilise les choux à la crème comme sujet et wa comme marqueur de sujet. Prenons un autre exemple. Supposons que vous allez dans un magasin pour acheter des chemises, mais que vous ne trouvez pas de chemise de grande taille. Vous demandez donc à un vendeur L size はありますか? Avez-vous des chemises en taille L? Elle demande Avez-vous des chemises de grande taille parmi les chemises que vous avez dans votre magasin? C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique Les mots descriptifs des sons, qui vous permet de découvrir ces mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Mélanie, êtes-vous capable d'imaginer ce qu'il y a derrière ce son? Pak, pak. C'est quelqu'un qui marche pieds nus? Non. Paku, paku imite une personne qui mange quelque chose avec un énorme appétit. Le mot suivant décrit également une personne qui mange. Mogu, mogu. Mogu, mogu? Mogu Mogu décrit quelqu'un qui mâche la nourriture sans ouvrir la bouche. Je vois. Dans notre rubrique Les mots descriptifs des sons, nous vous avons parlé aujourd'hui de Pak Pak et de Mogu Mogu. Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique Les tweets d'Anna. Kudasai est une expression utile. Si je montre du doigt quelque chose que je souhaite acheter et que je dis Kore o kudasai, celui-ci s'il vous plaît, je peux l'acheter même sans savoir le dire en japonais. La leçon 7 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était Shukurimu wa arimasuka? Avez-vous des choux à la crème? La prochaine fois, nous verrons comment Anna se débrouille en classe. Soyez au rendez-vous pour cette prochaine leçon.